FSI, French Revised, Unit 4, Tape 5. Grammar 3, Numbers to 100. Learning Drills. Learning Drill 1. Ça fait 5 francs. Ça fait 5 francs. 40 francs. Ça fait 40 francs. 45 francs. Ça fait 45 francs. 100 francs. Ça fait 100 francs. 145 francs. Ça fait 145 francs. Learning Drill 2. Ça fait 1 franc. Ça fait 1 franc. 21 francs. Ça fait 21 francs. 20 francs. Ça fait 20 francs. 80 francs. Ça fait 80 francs. 81 francs. Ça fait 81 francs. 100 francs. Ça fait 100 francs. 180 francs. Ça fait 180 francs. 181 francs. Ça fait 181 francs. Learning Drill 3. Ça fait 1 franc. Ça fait 1 franc. 60 francs. Ça fait 60 francs. 61 francs. Ça fait 61 francs. 11 francs. Ça fait 11 francs. 60 francs. Ça fait 60 francs. 71 francs. Ça fait 71 francs. 10 francs. Ça fait 10 francs. 80 francs. Ça fait 80 francs. 91 francs. Ça fait 91 francs. Learning Drill 4. Ça coûte 100 francs. Ça coûte 100 francs. 1 franc. Ça coûte 1 franc. 101 francs. Ça coûte 101 francs. 106 francs. Ça coûte 106 francs. 105 francs. Ça coûte 105 francs. 20 francs. Ça coûte 20 francs. 1 franc. Ça coûte 1 franc. 21 francs. Ça coûte 21 francs. 100 francs. Ça coûte 100 francs. 121 francs. Ça coûte 121 francs. Learning Drill 5. Il a 80 ans. Il a 80 ans. 10 ans. Il a 10 ans. 6 ans. Il a 6 ans. 70 ans. Il a 70 ans. 90 ans. Il a 90 ans. 3 ans. Il a 3 ans. 2 ans. Il a 2 ans. Learning drill 6. Il a 10 ans. Il a 10 ans. 101 ans. Il a 101 ans. 60 ans. Il a 60 ans. 61 ans. Il a 61 ans. 50 ans. Il a 50 ans. 51 ans. Il a 51 ans. 30 ans. Il a 30 ans. 31 ans. Il a 31 ans. 20 ans. Il a 20 ans. 21 ans. Il a 21 ans. 20 ans. Il a 20 ans. 40 ans. Il a 40 ans. 41 ans. Il a 41 ans. Learning drill 7. Donnez-m'en 7. Donnez-m'en 7. 9. Donnez-m'en 9. 8. Donnez-m'en 8. 17. Donnez-m'en 17. 18. Donnez-m'en 18. 30. Donnez-m'en 30. 40. Donnez-m'en 40. 50. Donnez-m'en 50. 60. Donnez-m'en 60. Learning drill 8. Donnez-m'en 6. Donnez-m'en 6. 10. Donnez-m'en 10. 70. Donnez-m'en 70. 90. Donnez-m'en 90. 36. Donnez-m'en 36. 56. Donnez-m'en 56. 86. Donnez-m'en 86. Learning drill 9. Nous en avons 5. Nous en avons 5. 4. Nous en avons 4. 9. Nous en avons 9. 11. Nous en avons 11. 12. Nous en avons 12. 13. Nous en avons 13. 16. Nous en avons 16. 2. Nous en avons 2. 100. Nous en avons 100. 5. Nous en avons 5. Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Combien font 11 et 1? Student. 11 et 1 font 12. Combien font 10 et 2? 10 et 2 font 12. Combien font 6 et 4? 6 et 4 font 10. Combien font 5 et 6? 5 et 6 font 11. Combien font 12 et 1? 12 et 1 font 13. Combien font 15 et 5? 15 et 5 font 20. Combien font 2 et 1? 2 et 1 font 3. Combien font 10 et 2? 10 et 2 font 12. Combien font 3 et 3? 3 et 3 font 6. Combien font 1 et 11? 1 et 11 font 12. Combien font 3 et 12? 3 et 12 font 15. Combien font 11 et 2? 11 et 2 font 13. Combien font 13 et 3? 13 et 3 font 16. Combien font 6 et 6? 6 et 6 font 12. Combien font 5 et 5? 5 et 5 font 10. Practice drill A2. Lisez. 10, 10, 12. 12, 2, 10. 2, 10, 12. 10, 12, 2. 12, 12, 10. 2, 2, 12. 2, 2, 2. 12, 10, 12. 13, 3, 30. 3, 13, 30. 30, 3, 13. 13, 13, 30. 3, 3, 13. 30, 30, 13. 13, 3, 3. 13, 13, 13. 6, 16, 7. 7, 16, 6. 16, 7, 6. 6, 6, 7. 16, 7, 7. 16, 6, 6. 7, 7, 6. 16, 6, 6. Practice drill A. 3. Lisez. 21, 81, 91. 91, 81, 21. 21, 81, 21. 81, 91, 81. 21. 81, 21, 61, 71, 111, 71, 111, 111, 111, 71, 111, 61, 71, 111. 61, 111, 71. 116, 76, 106. 76, 116, 116. 106, 116, 76. 76, 106, 106. 116, 76, 116. Practice drill A 4. Lisez. 21, 101, 81, 91, 71, 81, 61, 21, 31, 71, 91, 111, 90, 91, 92, 21, 22, 23, 81, 82, 83, 41, 14, 40, 13, 30, 3, 33, 103, 53, 19, 18, 16, 15, 14, 4, 88, 68, 108, 78, 108, 68, 38, 48, 28, 88, 108, 18, 99, 29, 89, 19, 49, 79, 100, 5, 120, 5, 100, 101. Practice drill A 5. Tutor. 8, 10. Student. 9. 10, 12. 11. 20, 22. 21. 60. 62. 61. 30. 32. 31. 39. 41. 40. 70. 72. 71. 69. 71. 70. 80. 82. 81. 20. 22. 21. 79. 81. 80. 89. 91. 90. 99. 101. 100. Practice drill A 7. Tutor. 11. Student. 21. Tutor. 5. Student. 15. Tutor. 92. Student. 102. 61. 71. 80. 90. 101. 111. 1. 11. 56. 66. 106. 116. 3. 13. 19. 29. 11. 21. 32. 42. 67. 77. 88. 98. 121. 131. 71. 81. 91. 101. 189. 199. 154. 164. 6. 16. 12. 22. 54. 64. Practice drill A8. Tutor. J'ai 100 francs. Student. J'ai 105 francs. Elle a 29 ans. Elle a 34 ans. Il me faut une heure. Il me faut 6 heures. J'ai 105 francs. J'ai 110 francs. J'ai 24 ans. J'ai 29 ans. Il me reste 100 francs. Il me reste 105 francs. J'ai 95 francs. J'ai 100 francs. Il me faut 145 heures. Il me faut 150 heures. Il a 76 ans. Il a 81 ans. J'ai 175 francs. J'ai 180 francs. J'ai 111 francs. J'ai 116 francs. Il me faut 14 heures. Il me faut 19 heures. Practice drill A9. Tutor. Le train part à 4 heures du soir. Student. Le train part à 16 heures. Le train de Paris arrive à 5 heures du soir. Le train de Paris arrive à 17 heures. Mon train part à 8 heures du matin. Mon train part à 8 heures. Le train part à 8h30 du soir. Le train part à 20h30. Le train arrive à 2 heures du matin. Le train arrive à 2 heures. Nous arrivons par le train de 4 heures du soir. Nous arrivons par le train de 16 heures. Le train part à 11 heures du soir. Le train part à 23 heures. Le train arrive à 4 heures du matin. Le train arrive à 4 heures. Le train arrive à Paris à 7 heures et demie du matin. Le train arrive à Paris à 7 heures 30. Le train part à 12:05. Le train part à 12 heures 05. Le train arrive à 12:50. Le train arrive à 11 heures 50. This is the end of tape 5, unit 4.